En signe de soutien au mémorandum du gouvernement de la République populaire démocratique de Corée, le comité préparatoire suisse pour le rendez-vous en l'honneur des grands hommes avec Toussaint 2017, le comité suisse-corée et le cercle d'études des études justiciers de Suisse ont publié le 3 avril une déclaration commune. Ils notent que les brillants succès de la Corée prouvent nettement que le maréchal Kim Jong-un est le grand homme et défenseur de l'indépendance et de la justice. Il qualifie le dirigeant suprême Kim Jong-un du soleil du XXIe siècle.